Vous ne le saviez peut-être pas, mais l'année scolaire en cours a été décrétée par le ministre de l'Éducation nationale année des mathématiques. Par ailleurs, cette semaine, du 9 au 15 mars, est la semaine des maths sur le thème « Mettons en scène les mathématiques ». Si vous ajoutez à cela que nous sommes à deux jours du 14 mars, le fameux Pi Day, le jour de Pi 3/14, il n'y avait que des bonnes raisons de consacrer l'émission du jour aux mathématiques et surtout à ce paradoxe des maths en France. Nous produisons d'excellents mathématiciens et mathématiciennes de haut niveau, mais côté scolaire, c'est la cata. La France et les maths, je t'aime, moi non plus. C'est le programme d'amour-haine qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour comprendre les raisons de ce désamour passionnel et surtout trouver les moyens d'y remédier, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Mickaël Launay. Bonjour. Bonjour. Mathématicien, créateur de la chaîne YouTube Micmath et auteur notamment du théorème du parapluie ou l'art d'observer le monde dans le bon sens, c'est aux éditions Flammarion. Yvan Kiryov, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste scientifique, auteur de « Dans le secret des mathématiques, c'est chez Larousse ». Et Roger Mansuy, bonjour. Bonjour. Docteur en mathématiques, enseignant en classe prépa au lycée Saint-Louis à Paris et membre du comité de culture mathématique de l'Institut Henri Poincaré. Mais avant cela, non, on fait le tour de l'actualité, j'assume pas mon jeu de mots du jour. Allez, on fait le tour de l'actualité scientifique avec Natacha Trihul, journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec une étude parue dans la revue Soft Robotics et la création des premières plantes robotisées. Et des chercheurs turcs viennent de créer des robots végétaux autorégulateurs. Ce sont de petits robots en papier avec des feuilles en origami et ils imitent la physiologie des plantes sur plein d'aspects. Ils sont capables de suivre le soleil, ce qu'on appelle en botanique l'héliotropisme. Ils reproduisent la nyctanistie, c'est l'ouverture des feuilles, grâce à un mécanisme inspiré par la transpiration végétale. Alors la transpiration qui transporte l'eau des racines aux feuilles a été copiée ici pour faire bouger ces robots sans qu'ils aient besoin d'aucun type de moteur. Alors ça peut paraître anecdotique comme ça, mais voici de la motorisation capable de se contrôler, de se réguler, de s'adapter automatiquement à son environnement sans avoir besoin ni de programmation ni de maintenance. Ce sont les principaux objectifs de la robotique actuelle. Sophie Sacca est enseignante-chercheur à l'école centrale de Nantes au laboratoire des sciences numériques. Elle est spécialisée en robotique et en biomécanique. Ce sont des études qui sont essentielles parce que si les mécanismes sont dotés de mouvements réflexes en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils vont s'adapter en fonction de la lumière, en fonction de la température, en fonction d'autres paramètres, ça allège d'autant plus en fait les comportements programmés dans la machine, dans le programme informatique. Il y a tout l'aspect en fait mobilité mécanique qui va être géré par ces actionneurs à mémoire de forme. Et par-dessus, on peut mettre un programme, comme il l'explique très bien d'ailleurs dans l'article, c'est-à-dire une des applications possibles, c'est l'orientation des panneaux solaires en fonction de la position du soleil. Donc si cette orientation des panneaux solaires est gérée de façon indépendante du programme qui anime un autre robot, vous voyez, donc ça se gère de façon réflexe quelque part, c'est autant de lignes de programme que vous aurez en moins dans votre informatique. Ça peut simplifier la programmation de robots. Après, bon, là, l'application, c'est pas l'orientation des panneaux solaires, mais il peut y avoir après d'autres applications, je pense qu'on trouvera assez rapidement sur ce genre de système automatique. Les systèmes de motorisation sont un des points essentiels des objectifs de la robotique, puisqu'on est dans des systèmes qui, au début, pour trouver une solution, on va faire des systèmes qui consomment beaucoup. Le choix de la motorisation adaptée va permettre de faire une baisse de consommation conséquente. Vos batteries vont pouvoir faire tenir votre robot plus longtemps, vous allez consommer moins d'énergie, donc la survie de la planète va être un petit peu plus respectée, on va dire. On passe au bref. Autre conséquence de la pandémie de Covid-19, la mission ExoMars, la mission russo-européenne, est reportée. Et Roscosmos et l'ESA, l'agence spatiale européenne, viennent d'annoncer le report de cette mission spatiale. Les deux agences ont rencontré déjà différents problèmes techniques. Le rover devait décoller cet été. Il attendra la prochaine fenêtre de tir entre août et octobre 2022. Selon une étude publiée par le CIRST, le Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie, plus de religion égale moins de science. Alors certes, Einstein, Newton, Pasteur, Galilée étaient des scientifiques croyants, mais des sociologues franco-canadiens ont voulu vérifier les liens contemporains entre croyances religieuses et environnement scientifique. Ils se sont appuyés sur des sondages réalisés aux États-Unis et en Europe entre 2005 et 2018. Première conclusion, je cite ce papier, « Plus les individus s'identifient à une religion et la pratiquent fortement, moins ils ont de compétences scientifiques. » D'autre part, je cite toujours, « Plus les individus adhèrent à une religion, moins ils ont des attitudes positives envers les sciences. Les Européens et les Américains, les moins religieux et les plus athées, seraient ceux qui ont des représentations des sciences les plus positives. » Selon une étude parue dans Scientific Reports, un impact d'astéroïdes aurait détruit les premiers établissements humains il y a 12 800 ans. Et le site archéologique Tel Abu Hurayra, en Syrie, est l'un des premiers sites où les humains ont commencé à se sédentariser et à cultiver. Mais ce site clé de la révolution agricole connaît aussi une autre histoire. Les chercheurs de l'Université de Californie viennent de découvrir, sur les fossiles, des traces d'éclaboussures de verre fondu. Du verre fondu ne peut se former que dans des températures extrêmes, bien plus élevées que ce que les humains étaient capables à l'époque. Cela n'a pu être produit que par un phénomène extrêmement violent, un impact cosmique. Le village de Tel Abu Hurayra aurait été brusquement détruit par les fragments d'une comète. Et enfin, selon une prépublication parue sur BioArchive, lorsqu'elles sont attaquées, les bactéries se sacrifient pour sauver leur colonie. Et pour se défendre, les bactéries ont développé une grande variété de défenses immunitaires. Une équipe américaine a analysé l'une d'entre elles, la contre-attaque auto-sacrificielle. Grâce à un test fluorescent bicolore sur des souches de bactéries E. coli, les chercheurs ont réussi à distinguer les cellules qui se suicident de celles qui sont éliminées par une toxine concurrente. Les auteurs parlent de tactiques de bataille et de stratégies de survie. Ils rappellent également que ces comportements kamikazes sont aussi observés chez les insectes, les fourmis et les abeilles, qui peuvent se sacrifier pour défendre leur colonie lorsqu'elles combattent des ennemis. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le journal des sciences hebdomadaire et le journal de la science-fiction. Il y avait eu en 2018 un plan maths lancé par le ministère de l'Éducation avec notamment le rapport Villani intitulé 21 mesures pour l'enseignement des mathématiques dont on reparlera évidemment au cours de cette heure. Cette année, toujours sous l'impulsion du ministère, est donc officiellement l'année des mathématiques avec pour ambition de montrer au grand public le bon côté, hein, je cite le rapport du ministère, le bon côté des mathématiques est de renforcer le lien entre le monde de la recherche et les enseignants du primaire et du secondaire. Et puis il y a, comme chaque année, la semaine des maths sur le thème cette année de mettre en scène les mathématiques. Alors après tout cela, on ne pourra pas dire que certains efforts ne sont pas déployés pour tâcher de réconcilier la population, à commencer par les enfants, avec cette discipline qui souffre encore et toujours d'une image austère, qui rappelle de mauvais souvenirs scolaires, bref, qui fait que, qu'on le veuille ou non, les Français sont plutôt fâchés avec les maths, et ça ne date pas d'hier, comme en atteste cette archive issue du magazine des sciences, c'était sur France Culture en février 1964. L'existence de la mathématique pose dans la société des problèmes multiples. Certains sont intérieurs à la mathématique, d'autres sont en quelque sorte extérieurs à la mathématique. La prolifération de la mathématique est constatée par tous et la vocation de la mathématique est ressentie, sinon par les mathématiciens, au moins par les non-mathématiciens, comme une vocation totalitaire. Quels que soient les sentiments des spectateurs du phénomène prolifération des mathématiques, les plus sensibles de ces spectateurs voudrait pénétrer dans l'univers de la mathématique. Or, un, disons, préjugé, veut que l'accès à cet univers soit interdit à l'homme dès qu'il dépasse un certain âge. Quel âge ? Selon ce préjugé, 40 ou 45 ans constitueraient un âge limite. Voilà, l'âge limite qui interdit l'accès à la mathématique, cette discipline totalitaire. Je sais pas, une réaction les uns les autres. Est-ce que vous venez d'entendre, Roger Mansuy? Je m'inquiète un petit peu parce que j'approche dangereusement de l'âge limite. J'espère que je suis suffisamment rentré dans les mathématiques jusqu'à présent pour pouvoir continuer à en faire un peu après. Mickaël Lenay. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de préjugés. Cette idée d'âge limite ou en tout cas, à un moment donné, si on n'a pas été convaincu par les mathématiques avant un certain âge, bon, ben c'est fini, quoi. Il y a quelque chose de définitif. C'est encore quelque chose qui est pas mal ancré chez les gens qu'on rencontre, effectivement. À un moment donné. Non, moi, je suis pas fait pour les maths. C'est même plus la peine d'essayer. Mais voilà, je suis convaincu que c'est faux. Yvan Kayoff, c'est vrai qu'on a l'impression que les mathématiques sont la seule discipline qui peut créer ce niveau-là d'aversion. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que dans le parcours scolaire d'enfants, il y ait d'autres disciplines qui puissent à ce point-là braquer. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est les grandes mal-aimées de l'enseignement et de la culture en général, la culture scientifique. Voilà, dans l'extrait que vous avez passé, on a la question de savoir est-ce qu'on doit dire la mathématique. Et pour le coup, ça fait vraiment totalitaire. Les mathématiques qui soulignent un peu plus la diversité de la discipline. Peut-être un mot, puisque on entend, et je rappelais là les différentes couches d'incitation nationale, l'année, les plans maths. On a l'impression tout de même que les pouvoirs publics, depuis un certain temps d'ailleurs, pas uniquement ce gouvernement, mais déjà des gouvernements précédents, tentent à chaque fois justement des grands plans pour réconcilier, pour adoucir l'image, pour casser un peu cette image d'austérité. Est-ce que vous avez l'impression que ces différentes initiatives ont une sorte d'effet à un moment donné, Michel Launay? Je ne sais pas si j'observe depuis assez longtemps pour avoir pu vraiment observer cet effet. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le bilan qui est fait, c'est clair que tout le monde est au courant. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se voiler la face. On sait qu'aujourd'hui, il y a énormément d'élèves qui sortent du système scolaire traumatisés par les mathématiques. Alors après, effectivement, c'est comment est-ce qu'on met ça en place? Parce que des idées, on peut en avoir. On peut dire, ce serait bien d'introduire de la manipulation ou d'entrer plus dans des problèmes de recherche ou dans des choses comme ça. Mais après, quels moyens on met derrière pour vraiment que ça se produise, pour vraiment que les professeurs, les enseignants aient les moyens d'enseigner cette discipline qu'ils aiment? Pour la plupart d'entre eux, ils aiment cette discipline. Il y en a beaucoup qui sont résignés parce qu'ils ont l'impression de pas pouvoir vraiment faire ce qu'ils veulent avec les élèves. Je m'en suis. Alors, les divers plans ont quand même des effets. C'est-à-dire, même si on n'a pas réconcilié tous les Français avec les maths, ça c'est sûr, on voit quand même un bouillonnement d'initiatives locales, que ce soit de la diffusion très grand public, avec des festivals, avec des conférences dans les médiathèques, dans les bibliothèques, un peu partout en France, et aussi des clubs de maths avec des jeunes qui passent de leur temps libre à aller faire de bon cœur des maths, et pas simplement comme une torture, comme on pourrait l'imaginer en sortie de cours. Ivan Kiryov, vous avez... Moi, je suis un peu un rescapé des maths, donc je peux témoigner qu'on peut revenir du traumatisme mathématique. Comment ça s'est passé pour vous? Comment est-ce que vous y êtes revenu? Par l'histoire des sciences et la philosophie des sciences, parce que les mathématiques y ont un rôle prépondérant. Et puis aussi à travers des sujets qu'on n'aborde pas avant vraiment des études de très haut niveau, comme les fractales, la théorie du chaos... dont les implications philosophiques et ou des fois artistiques m'ont attiré davantage. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous consacrons cette émission à la façon d'enseigner, de vulgariser, de réconcilier le public français avec les maths, en compagnie de Michel Launay, Ivan Kiryov et Roger Mansuy. D'ailleurs, est-ce que vous avez les uns les autres une forme d'explication à cette spécificité française? Est-ce que c'est quelque chose qui se constate chez nos voisins pour commencer ou dans d'autres pays? Ou est-ce qu'il y a vraiment, on reparlera du classement TIMSS, hein, mais est-ce qu'il y a vraiment une spécificité française dans cette aversion pour les maths, Michel Launay? Encore une fois, j'ai pas fait d'études complètes, je peux pas vraiment savoir, mais des quelques retours que j'ai quand j'échange avec des vulgarisateurs étrangers ou quand je vais des fois faire des conférences, j'ai l'impression quand même que ce problème, même s'il peut prendre il peut prendre différentes formes, il est quand même assez général et que un peu partout, on a des élèves qui ont du mal à rentrer dans les mathématiques et c'est vraiment un enjeu d'enseignement dans beaucoup de pays. Je m'en suis. C'est quasiment devenu une figure classique de toute la culture pop. Quand on veut quelqu'un qui soit un peu geek, un peu asocial, un peu étrange, on va lui faire faire des maths, que ce soit dans une série, que ce soit dans un film. Les maths sont quand même synonymes de quelqu'un qui est un peu différent, qui n'a pas les mêmes goûts que les autres. Donc c'est signe qu'il y a une répulsion massive et plutôt généralisée des mathématiques. Vous avez une hypothèse, Ivan Kiryov? Dans l'enseignement français, il y a aussi peut-être une prépondérance des lettres dans l'enseignement. Si on regarde parmi nos dirigeants, la proportion de ceux qui ont fait des études littéraires et des études scientifiques, y compris mathématiques, serait assez éloquent. C'est peut-être ça le mal français des maths. Peut-être. Mais c'est un peu paradoxal parce que en même temps, les mathématiques servent encore beaucoup, et d'ailleurs c'est un reproche qu'on leur fait, de discipline de sélection. C'est-à-dire que finalement, pour faire des études d'économie, pour faire des prépas aux écoles de commerce, vous pouvez en parler, Roger Mansuy, on se sert des maths vraiment comme d'un couperet. Alors, d'un couperet, oui et non. C'est-à-dire, on s'en sert comme d'une matière d'évaluation. C'est pas le couperet universel. Heureusement, il y a quand même beaucoup d'autres disciplines et on évalue d'autres compétences. Je pense qu'on a attaché historiquement en France aux mathématiques et à la philosophie un certain nombre de valeurs sur le raisonnement qui sont indépendantes de la discipline qui est associée. Et comme on veut mesurer peut-être une tradition cartésienne, quelque chose, on veut mesurer le raisonnement des candidats, on a tendance à plutôt évaluer sur la dissertation philosophique et le problème de mathématiques. Plutôt sur les maths sont plutôt, enfin en fait c'est plus qu'aujourd'hui, alors même si on pourra d'ailleurs éventuellement rediscuter si vous le souhaitez, la réforme du lycée a pour ambition justement de casser le fait que les mathématiques soient une discipline de sélection, soit la discipline de sélection par excellence. Aujourd'hui tout de même la voie royale c'est un bac scientifique avec des maths, quitte à ce que d'ailleurs les maths soient complètement abandonnées dans la suite de la carrière, Michael Lenay. Oui, et c'est toujours ce qui est un peu dommage pour une discipline quand on en fait une discipline de sélection, c'est que ça vient avec toutes sortes de biais. Et notamment le fait qu'au bout d'un moment, comme il faut d'une certaine manière avoir un certain niveau en mathématiques, on en finit par faire des mathématiques de façon automatique. Et ça fait que finalement on fait des maths un peu pour préparer un concours, pour préparer un examen, pour préparer le bac, etc. Et puis on a des élèves, quand on va dans les classes des fois, qui ont des bonnes notes. Mais finalement quand on creuse un peu, quand on leur demande ce qu'ils comprennent vraiment, eh bien... on a l'impression qu'ils font pas vraiment de maths, c'est-à-dire que les maths, c'est avant tout faire prendre un problème, essayer de se poser les bonnes questions, essayer de faire un raisonnement, de se dire comment je vais y arriver, construire une intuition, des images mentales, et puis peu à peu se faire une démonstration pour arriver au résultat. Mais quand on apprend une méthode systématique et qu'on l'applique sans vraiment savoir pourquoi elle marche, et ça vient depuis tout petit, dès le primaire, on commence à faire ce genre de choses, et puis ça peut accompagner assez loin. Mais finalement, on ne fait pas vraiment des maths. On appelle ça des maths, mais on ne fait pas vraiment des maths comme ça. Et ça vient aussi du fait justement que les mathématiques soient une discipline de sélection. Vous partagez ce point de vue, Roger ? Oui, c'est exactement ça. Si jamais les mathématiques sont réduites à l'appareil calculatoire, à l'appareil technique, on perd le sens, on perd la motivation, on perd tout ce qui est intéressant dans les mathématiques, tout ce qui fait que les mathématiques ont un sens pour les économistes, ont un sens pour les biologistes, ont un sens pour la médecine, ont un sens pour l'épidémiologie en ce moment. Donc on perd un peu tout ça si jamais on fait juste des calculs. Et c'est vrai que quand on est dans le secondaire, c'est un travers qu'on a pu avoir un certain nombre d'années et qu'on peut encore avoir aujourd'hui, à certains moments, de multiplier des exercices pour acquérir ce savoir technique et perdre un tout petit peu la vision à plus long terme de l'utilité ou de l'esthétique ou de l'intérêt historique de la construction qui était derrière, comme le disait Yvan tout à l'heure. Si jamais on perd tout ça, les mathématiques deviennent en fait un squelette un peu sec, alors qu'on voudrait que ce soit quelque chose de très charnu qui remplissent bien l'espace. C'est vrai qu'on peut, rappeler, Yvan Kiryev, que si aujourd'hui ce sont les mathématiques qui sont la discipline de sélection, ça n'a pas toujours été le cas d'une part, et ça même était tout à fait l'inverse, c'est-à-dire que c'était les langues anciennes, ça a pendant longtemps été le latin, les humanités. Les thèmes et les versions, c'était... Ouais. Qui sont tous qui peuvent être aussi relativement arides par ailleurs, néanmoins, mais d'une autre façon. Oui, mais... On peut faire un parallèle avec la musique, notamment la musique classique. C'est-à-dire que des fois, on a l'impression que l'enseignement des mathématiques, c'est un peu du solfège et de la technique. Faut pas oublier que derrière, il y a le merveilleux mathématique. C'est derrière l'instrument. Voilà. Peut-être un mot pour pointer concrètement du doigt ce paradoxe français, qui est donc que le classement TIMSS place la France au dernier rang des pays européens en termes de niveau mathématique. C'est une évaluation qui est faite en CM1. Et pourtant, la France, les mathématiques de haut niveau, la recherche en mathématiques est régulièrement récompensée en France via la médaille Fields. Alors là aussi, je vous demandais de sortir un peu la boule de cristal ou les entrailles de poisson, mais comment est-ce qu'on explique qu'il y a une recherche d'excellence alors qu'il y a une aporie au niveau de l'enseignement? Je pense qu'il y a deux enjeux. C'est que quand on a des enfants très variés qui rentrent dans un système scolaire, tous ne se destinent pas à devenir ingénieur, scientifique, quelque chose comme ça. Et comment est-ce qu'on fait pour à la fois donner ce qu'il faut à ceux qui ont envie de faire des études scientifiques et qui ont le goût pour cette discipline, tout en ne dégoûtant pas les autres, et faire en sorte que les autres ils puissent sortir du système scolaire en se disant j'ai bien aimé les maths, j'ai appris des choses, j'ai un peu comme, enfin moi par exemple je fais pas spécialement d'histoire, je suis pas historien, mais ça m'intéresse, j'ai appris ça à l'école, et puis de temps en temps quand je vais voir une exposition dans un musée, quand je vois une émission à la télé, je me dis c'est intéressant, j'apprends sur une civilisation, etc. Les mathématiques ça pourrait être pareil, on pourrait ne pas connaître telle théorie, ne pas avoir appris telle chose ou telle chose à l'école, peu importe ce qu'on apprend à l'école. C'est pas vraiment ça qui est intéressant. Il y a quelques bases qu'il faut apprendre à l'école primaire. En mathématiques, mais après, en mathématiques. Faites attention à ce que vous dites. mais après, connaître précisément tel ou tel théorème ou tel ou tel résultat, c'est pas vraiment ça qui compte. Par contre, développer un goût qui va faire que on va avoir une culture mathématique, qu'on va trouver ça intéressant, qu'on va se dire, qu'on va trouver un certain épanouissement personnel là-dedans en se disant, ça valait le coup. C'est-à-dire, l'histoire, ça ne me sert pas à grand-chose dans ma vie de tous les jours, mais je ne trouve pas ça dommage d'avoir passé tout ce temps à l'école à avoir appris. J'ai l'impression que ça m'enrichit de quelque chose de savoir tout ça. Eh bien, si on pouvait avoir ce même sentiment à propos des mathématiques pour la plupart des gens et faire en sorte que quand on entend parler de mathématiques dans un magazine, quelque part dans les médias, eh bien, on se dise « Ah tiens, je vais écouter un petit peu, ça m'intéresse. » Et puis voilà, même si on n'est pas mathématicien ou mathématicienne par la suite. Ivan Kiryov, vous partagez ce point de vue? Oui, tout à fait. Ça, l'enjeu, ce serait peut-être, oui, de développer une culture mathématique et de rappeler que les mathématiques ne sont pas réservées aux mathématiciens et aux forts en maths, parce que c'est vrai qu'il y a aussi l'idée de la bosse des maths, enfin, qu'on serait fort ou pas et que ce serait joué dès l'enfance. Il faut s'intéresser aux mathématiques, et c'est vrai que ça peut aussi être la motivation, parce que c'est vrai que les mathématiques, c'est aussi de la technique, c'est aussi manipuler des objets abstraits. C'est vrai que si on ne voit pas de finalité derrière, ça risque de rester un peu instrumental. Il y a une phrase de votre livre que j'aimerais vous faire commenter, parce que vous écrivez, Ivan Kiryov, dans votre livre Dans le secret des mathématiques, hein, qui est publié chez Larousse, c'est ce petit mot qui m'a fait un peu étrange, parce qu'il y a une terminologie que je trouve un peu curieuse. Vous dites: quand bien même elles ne servent pas, les mathématiques permettent de distinguer les élèves assidus, dociles, pragmatiques et efficaces. Dans cette optique, elles n'ont pas à être aimées ou appréciées, mais seulement comprises, assimilées et appliquées. Je pense que c'est vécu comme ça par beaucoup d'élèves. C'est en ça que les mathématiques ont remplacé le latin. Finalement, que les élèves connaissent le latin à l'époque où c'était encore la discipline reine, enfin, ou la discipline de sélection, c'était pas tellement l'intérêt. C'était appliquer une méthode stricte, faire un exercice, répéter, être efficace. Il y a aussi ça dans l'enseignement des mathématiques. C'est peut-être une part du problème. La docilité, apprendre les mathématiques, c'est rendre les élèves dociles. Ça fait un peu froid dans le dos quand même, Roger Monceau, non? Ça m'effraie complètement. mais je suis d'accord qu'un certain nombre d'élèves le perçoivent ainsi. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de collègues qui le perçoivent ainsi, parce que notre métier n'est pas de faire des gens dociles qui acceptent une théorie, qui nous obéissent. Au contraire, il faut une part d'indépendance d'esprit, il faut une part de rébellion, en fait, pour bien faire des mathématiques, en fait, si on veut les faire à plus long terme. Donc je conçois tout à fait que les élèves le perçoivent ainsi, parce qu'il y a la structuration des cours avec des litanies d'exercices. Mais en même temps, on devrait, en tant qu'enseignant, réussir à leur faire comprendre que, justement, la liberté d'esprit qu'ils peuvent avoir avec les mathématiques est bien plus grande et bien plus riche que ce qu'ils imaginent au départ. Mmh. Et si je peux revenir un petit peu à la question précédente, bien sûr. Où on opposait les gens qui avaient la médaille Fields et ceux qui échouaient à Teams, ou qui avaient des résultats décevants à Teams en tout cas, il y a quand même un vrai problème statistique quand on regarde ça, c'est qu'on est en train de regarder des générations complètement différentes. Les dernières médailles Fields françaises qui ont eu un bac ont eu un bac C. On est en train de parler de gens qui étaient il y a 25-30 ans au lycée. Donc on n'est pas du tout avec les mêmes populations, donc on ne peut pas les opposer directement. Et ensuite, opposer juste les meilleurs des mathématiciens professionnels reconnus à l'échelle de la planète et des élèves de CM1 qui sont pas encore tout à fait formés, qui n'ont pas encore leur vocation, c'est un peu réducteur. On a besoin de mathématiques à plein d'endroits dans la société. Tous ceux qui vont devenir enseignants, chercheurs, ingénieurs, même techniciens supérieurs vont avoir besoin de mathématiques à un moment ou à un autre. Nos médecins vont avoir besoin de mathématiques à un moment ou à un autre. Donc on ne peut pas se contenter des deux extrêmes tels qu'on les voit. Il faut qu'on arrive à fournir à tout le panorama, et Michael avait raison de le dire tout à l'heure, il faut qu'on ait une richesse pour tout le monde, il faut qu'on ait une culture mathématique pour tout le monde, et pas, c'est pas la technicité à laquelle on s'attache, même si les mathématiciens professionnels auront besoin de cette technicité, de cette rigueur. Alors peut-être un mot, parce que donc je dis, il y a des plans se sont superposés, il y a ce fameux rapport Villani de 2018 sur lequel beaucoup de monde comptait. Est-ce que, déjà, qu'est-ce qu'il y avait dans ce rapport? Est-ce que vous avez l'impression qu'un an et demi, alors c'est peut-être un peu court pour l'évaluer, mais que ça a en tout cas commencé à faire bouger les lignes, Michael Launay? On voit quand je vais dans des établissements scolaires, il commence à y avoir des labos de maths qui se mettent en place un petit peu partout. Qu'est-ce qui s'y passe dans ces labos de maths? Il y a des initiatives. Alors ça peut être à la fois pour les élèves et également pour les enseignants. Il y a des groupes d'enseignants qui font venir par exemple des chercheurs, parce que c'est aussi enrichissant pour les enseignants. C'est toujours dommage quand un enseignant, une fois qu'il prend son poste, eh bien finalement il apprend plus sa discipline, il a le programme et puis il ne sait que ça. Un enseignant, évidemment, c'est toujours intéressant s'il continue d'être passionné par sa discipline, s'il continue d'apprendre des choses, s'il a envie d'aller voir des conférences de chercheurs et de chercheuses. Et donc c'est intéressant de mettre en lien ces deux mondes. Et donc par ces labos de maths, il y a des endroits où ça peut se produire. Et puis des initiatives pour des élèves en organisant encore une fois aussi des différentes conférences d'intervenants extérieurs en mettant en place des clubs de mathématiques. Alors je sais pas à quel point moi ceux où je vais forcément c'est ceux où on m'invite, où on me propose de venir. Donc c'est là où ça se passe bien. Ça s'appelle un biais d'échantillonnage. Donc effectivement il y a un gros biais. Je sais pas après j'ai pas de statistiques complètes pour savoir exactement. Roger Mansuy, sur ce rapport Villani, est-ce que vous avez le sentiment que ça allait dans le bon sens? Je vais dire que c'est le rapport Torossian-Villani quand même, oui, qu'ils sont sûr. Deux copilotes à l'intérieur. Le rapport faisait un bilan de l'état de l'enseignement, de la formation des enseignants et de tout ce qui était autour. Donc c'était un plan qui était très large. Il y avait 21 mesures qui allaient de contrôler les manuels, d'assurer une formation initiale, une formation continue, une co-formation entre collègues. Il y avait aussi des besoins d'avoir des référents dans les académies pour pouvoir répondre aux problèmes de manière plus directe, plus locale. Et ça a été prévu de manière relativement effective et un certain nombre de choses ont déjà été mises en place. C'est-à-dire qu'il y a des référents dans toutes les académies qui sont formés, qui peuvent répondre aux questions. Il y a beaucoup de labos de mathématiques. J'avoue que, comme Michael, j'ai pas fait de statistiques avant, mais de ce que l'on voit, on voit énormément d'activités qui sont des activités internes aux établissements ou des activités externes. Il y a un lien qui a été recréé, pas uniquement avec la vulgarisation, comme Michael le disait, mais aussi avec les universités, qui était un lien important et qui manquait dans la formation des collègues. Donc, on a apporté plein de choses. Alors, évidemment, c'est toujours en cours de construction. Donc, on ne peut pas faire un bilan entièrement positif aujourd'hui, mais il y a une dynamique qui est plutôt positive, alors qu'il y avait d'autres problèmes dans l'éducation nationale simultanément. Donc, on peut se réjouir du fait qu'on ait déjà ces aspects positifs. La question qui se pose, on parle de l'enseignement maintenant, et on parlera d'ici quelques minutes dans la deuxième partie de cette émission, de la vulgarisation, les deux étant deux pans complémentaires. Mais pour rester encore un peu sur l'enseignement, on entend dans ce que vous dites tous les trois que finalement l'enseignement des mathématiques dès le début, c'est-à-dire dès l'école primaire, peut-être même dès l'école maternelle, c'est un enseignement, c'est l'enseignement d'une structure, donc d'un squelette qui manque de chair, qui manque d'envergure, qui manque d'ouverture. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il y a une démarche qui est initiée pour commencer à modifier justement ce rapport-là, de dire que les mathématiques, ce ne sont pas que des théorèmes, ce ne sont pas que des formules à appliquer, mais qu'on peut bien y aller, l'apprendre, l'enseigner, la transmettre de manière beaucoup plus ouverte et avec un champ d'application plus vaste, Yvan Kyrieff? Oui, mais là encore, l'enjeu, c'est peut-être d'établir de promouvoir une culture mathématique partagée. Parce qu'un des problèmes qui a été soulevé par le rapport, et un des grands problèmes apparemment de l'enseignement des mathématiques, c'est que ça se joue dès l'école élémentaire et ce serait lié au manque, enfin, au relatif manque de formation mathématique des professeurs des écoles qui transmettraient une peur ou une inhibition pour les mathématiques à leurs élèves. Donc peut-être que si on arrêtait, l'idée que les maths c'est pénible, que les maths c'est dur, que les maths c'est pas pour tout le monde était un peu moins ancrée dans les mentalités, peut-être que ça. Parce que je pense effectivement que ça se joue très tôt, parce que une proposition intéressante du rapport Villani, c'était aussi un module de réconciliation avec les mathématiques en lycée. Pour dire réconciliation. Si on est passé à côté, on peut peut-être reprendre pied. Voilà, peut-être pour rattraper les décrocheurs. Bon, c'est peut-être une bonne initiative, mais au lycée, ça me paraît un peu tard. Enfin, je pense que ça joue encore plus tard. D'autant que ce n'est pas la mesure la plus facile à mettre en place, vu qu'il y a eu simultanément une réforme du lycée, qui est un peu compliquée. Il y a quand même énormément de positifs là. Si on regarde l'enseignement secondaire, il y a une phrase qui a été dite là tout de suite qui me fait un peu bondir. C'est pas que les collègues maîtrisent pas les mathématiques, parce que tous les dans collègues... le secondaire. Non, même en primaire. Je fais attention à ça. Bien sûr, mais parce que j'ai déjà dit la phrase une fois. Et les collègues, en fait, maîtrisent suffisamment de mathématiques pour enseigner ce qui se passe en primaire. Ce qui se passe, c'est qu'ils ont peut-être pas eu l'acculturation complète avec des mathématiques qui étaient derrière des mathématiques plus abstraites, qui leur permettraient d'avoir du recul pour anticiper des difficultés ou pour aller un peu plus loin. moins, pour donner un peu plus de goût, un peu plus d'envie à leur cours. Ce qui était pointé, je pense, par Yvan Kiryov, c'est que effectivement, on note souvent qu'en France, les enseignants du primaire viennent à 70% de filières littéraires et pas de filières scientifiques. Et effectivement, donc, comme vous le signalez, Roger, leur culture mathématique est moindre. Voilà. Mais en fait, ils ont moins de culture, ils ont surtout moins de goût, moins d'appétence en fait pour la discipline. C'est peut-être ça le problème. C'est pas qu'ils sont mauvais pour enseigner la somme de chiffres décimaux, de nombres décimaux. On n'est pas dans cette difficulté là. Mais une des solutions qui a été proposée et qui a l'air d'avancer en fait, c'est de former en fait les enseignants au fur et à mesure, y compris les enseignants en primaire, de pouvoir discuter entre collègues parce qu'entre pairs, on a une formation qui peut aider les enseignants en primaire. J'enseigne pas tout à fait en primaire, qui peut les aider à avancer et à résoudre des problèmes qu'ils pouvaient avoir. Pour revenir sur cette question de l'enseignement, est-ce que vous pensez les uns les autres qu'il faut dès le départ, changer cette approche, c'est-à-dire faire de cet enseignement mathématique un enseignement qui ne soit pas que de la formule, comme vous le mentionniez, mais qui soit aussi de l'histoire, qui soit aussi de l'application, qui puisse lier à la médecine, je veux dire à quelque chose finalement de plus concret que cette espèce d'abstraction un peu austère qui est aujourd'hui encore vraisemblablement le cas, Michael? Alors, je ne suis pas sûr que l'abstraction soit austère. Tout à fait. Mais c'est très bien de le dire. Je pense justement que l'abstraction fait finalement plus peur aux adultes qu'aux enfants. Parce qu'un des paradoxes du primaire, c'est effectivement on a une très grande diversité d'enseignants qui peuvent avoir des relations très différentes avec les mathématiques. Et donc, ça va dépendre. Mais l'endroit où les élèves aiment plus les mathématiques, c'est au primaire. On a beaucoup d'élèves de primaire qui ressortent, qui arrivent en sixième. On leur demande quelle est votre matière préférée. Il y en a beaucoup qui répondent les mathématiques. Mais voilà, ce qui est intéressant dans les mathématiques, c'est aussi voilà de faire des réflexions, de faire des recherches. Et effectivement, dès petit, on peut entrer dans ce processus de recherche, et y compris avec des choses abstraites. Alors, il faut faire le lien entre le concret et l'abstrait, parce que c'est aussi bien de manipuler. Mais finalement, les enfants, ça les amuse beaucoup. Les enfants ont de l'imagination, adorent se raconter des histoires, imaginer des choses imaginaires autour d'eux. Et bien, quand on leur dit que des nombres, finalement, les nombres, c'est des objets abstraits, des objets imaginaires, on est dans un monde que l'on crée et qui a certaines règles, où il y a certaines lois qu'il faut appliquer. Et puis, quand on fait de la géométrie, qu'on dit qu'une droite, c'est infini. Alors, au tableau, on peut pas la tracer infinie, mais il faut imaginer qu'elle est infinie. C'est quelque chose qui est assez impressionnant et qui est assez jubilatoire, y compris pour les enfants. Et donc, voilà, leur montrer ça, leur dire c'est de l'abstraction, ça se passe dans notre tête, et finalement c'est ça qui est très exaltant avec cette discipline. Et puis on va pouvoir effectivement se raconter des histoires mathématiques, c'est-à-dire qu'on invente les nombres, on a 1, 2, 3, 4, 5, on apprend à compter, et puis après on se dit mais qu'est-ce qui se passe entre ces nombres, qu'est-ce qu'ils jouent comme rôle les uns avec les autres, comment ça se fait par exemple que, tiens, si on additionne deux nombres impairs, on a toujours un nombre pair. Comment est-ce que vous le comprenez ça? Pourquoi? Ah, c'est bizarre, parce qu'on a deux nombres qui sont d'une certaine nature, on les met ensemble et on obtient une autre nature qui n'était pas là au début. Deux impairs donnent un pair. Et voilà. Et proposer aux enfants d'expliquer ce genre de choses, essayer d'expliquer pourquoi la multiplication est commutative, par exemple, ça pour dire un grand mot, c'est-à-dire pourquoi 7 fois 7 égale 3 fois 7, 3 fois 7 est égal à 7 fois 3. Pourquoi quand on fait une multiplication dans un sens ou dans l'autre, ça donne toujours le même résultat? Ça, on peut leur dire, allez-y, déjà, est-ce que c'est vrai? On peut le constater sur une multiplication et puis se dire ah mais est-ce qu'il y en a d'autres pour lesquels ça marche, et puis au bout d'un moment, au bout de quelques exemples, on se rend compte que 2 fois 3 ça fait 3 fois 2, 8 fois 5 ça fait 5 fois 8. Bon, alors est-ce qu'il y a des exceptions ou pas, qu'est-ce que vous en pensez, et est-ce qu'on peut réfléchir tous ensemble et à un moment donné arriver à une explication? Eh bien ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place avec des tout petits, enfin avec des tout petits, avec des suffisants, enfin on peut faire ce genre d'exemple dès tout petit, puis après tout au long du primaire. Et effectivement, ça permet de rendre les mathématiques vivantes, ça permet de vraiment rentrer dans cette réflexion, dans ce processus de recherche. Quand je parlais d'abstraction austère, je pensais plutôt aux formules qu'on applique, et c'est pas tout à fait la primaire, oui. Plutôt un peu après, donc autant pour moi. Roger Mansuy, justement, pour conclure sur la façon, peut-être alors que c'est peut-être pas en primaire qu'il faut intervenir, peut-être que c'est à partir du collège qu'on peut commencer à changer. Quel est votre sentiment? Alors il faut changer, on peut changer à toutes les étapes, et il faut qu'on soit encouragé à changer pour essayer de faire mieux. On a beaucoup entendu parler de la méthode de Singapour pour le primaire, etc. Mais dites-nous un mot de ce que c'est pour qu'on comprenne sans détailler la méthode. Ah, c'est compliqué. Quelque chose à Singapour. Il s'est passé quelque chose à Singapour il y a une génération et demie, où l'État singapourien a décidé de changer entièrement son modèle éducatif a repris un certain nombre de principes de pédagogie alternative qui permettent de tester d'abord en pratique, puis de manière imagée, puis de manière abstraite, mais a aussi repensé toute la formation des enseignants, l'investissement de la société et des parents dans l'éducation. Aujourd'hui, quand on parle de méthode de Singapour, on pense plutôt au dispositif un peu pratique pour passer de la réalité à l'abstraction, un peu la question de tout à l'heure. Et ça, c'est, les collègues l'utilisent bien avant qu'on appelle ça méthode de Singapour. Il y a eu des tests qui ont été faits. La seule chose, c'est que jusqu'à présent, c'était des collègues qui étaient de bonne volonté, qui expérimentaient avec leurs élèves, qui réussissaient avec leurs élèves. Là, on essaye de passer à une échelle supérieure, d'avoir des remontées d'expérience pour en faire quelque chose d'un peu plus grand. Mathématiques de Little Boots à Little Boots à 16h38, les petites bottes, sur France Culture. Nous parlons donc de mathématiques et du rapport particulier de la France et des Françaises et des Français aux maths. Nous en parlons avec Michael Launay, qui est mathématicien, créateur de la chaîne YouTube MicMath. Nous en parlons avec Yvan Kiryov, qui est journaliste scientifique, et Roger Mansuy, qui est enseignant en classe prépa au lycée Saint-Louis à Paris. Et donc, maintenant que nous avons parlé de l'enseignement des mathématiques, nous allons nous intéresser à la vulgarisation, parce qu'il n'y a pas que l'école dans la vie. Bonjour Céline Lausanne. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu à l'incontournable Palais de la Découverte pour assister à des ateliers ludiques autour des maths. Oui, je suis allée dans un temple dédié aux jeux mathématiques. Pour passer l'entrée, il faut résoudre quand même un casse-tête à la manière de l'Académie de Platon. Une fois à l'intérieur, on trouve une dizaine de jeux plus ou moins compliqués à faire seul ou bien en équipe. Mais dans cet espace, pas d'exercice, pas de formule ni d'opération à faire. Tout passe par la manipulation d'objets, des cubes, des mobiles, des fils et des outils. Ici, tout est conçu pour faire travailler le raisonnement. Dans ces récréations mathématiques, Guillaume Reuillet accompagne tout public, quel que soit le niveau. L'idée étant de privilégier le raisonnement tout en s'amusant. Nous, c'est vraiment des jeux. C'est vraiment l'accroche ludique qui est importante. On est même confronté à des visiteurs qui nous disent « mais c'est pas des mathématiques qu'on a fait, on a joué, on n'a pas fait des maths ». Et notre rôle à nous, c'est de leur montrer que si, c'est bien des mathématiques qu'ils ont fait pendant l'atelier. Alors là, on se tient devant ce qui pourrait s'apparenter à une salle de cours, alors qu'en fait, c'est plutôt une salle de récréation. Oui, c'est vrai qu'elle, malheureusement, elle ressemble un peu trop à une salle de cours. Alors normalement, vous n'avez pas le droit de rentrer. parce qu'il y a un test, il y a une épreuve à... Tout commence par un petit casse-tête, un petit puzzle à deux pièces. Et la tradition ici, c'est que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, c'est-à-dire si vous n'arrivez pas... Platon. Voilà, comme dans l'Académie de Platon. Si vous n'arrivez pas à résoudre ce casse-tête, on ne vous laisse pas rentrer. Mais évidemment, on laisse rentrer tout le monde, en fait. Hein. Donc, vous avez dans les mains deux pièces identiques, qui sont des moitiés de tétraèdre. Alors, un tétraèdre, c'est une pyramide avec quatre faces triangulaires. Voilà. Et vous allez voir que même en manipulant, vous allez éventuellement envisager que c'est impossible à faire. Vous voulez essayer ? Tenez. Donc, je vous donne ces deux pièces. Oui. Et avec ces deux pièces, une pyramide, oui. Bah, c'est le genre d'exercice où, quand on a réussi, on se demande pourquoi on a mis autant de temps pour le faire. Ça. Et parfois, les petits y arrivent avant les mathématiciens. Il hein. n'y a pas du tout de corrélation entre les aptitudes mathématiques et le fait de réussir vite ce puzzle. Bon, maintenant qu'on a passé l'épreuve de feu, on va pouvoir entrer. Voilà. Et là, il y a presque une dizaine de jeux différents qui sont proposés. Qui font appel à des domaines des mathématiques relativement différents. Vous avez un atelier qui s'appelle Triangle Magique qui est beaucoup plus sur les nombres. Vous avez des choses qui sont beaucoup plus sur la géométrie. Et puis vous avez des choses qui sont de la logique, on va dire. Et ce jeu-là, il consiste en quoi ? On a fabriqué une douzaine de puzzles qui sont tous à deux pièces identiques. Et on s'est donné comme contrainte de fabriquer avec ce qu'on appelle les solides de Platon. Et là, ils sont en train d'essayer d'assembler... volume rouge et un volume bleu qui sont deux à deux identiques et ils sont en train d'essayer de les coller pour obtenir un des cinq solides de Platon. C'est fou, hein ? Ouais, celui-là, ça marche ? Ouais, par contre... Ah voilà, là on est bien, ouais. Là on est bien, ouais. Donc là, t'as obtenu deux octaèdres, on appelle ça. Est-ce que vous pensez que vos activités peuvent aussi éclairer la pédagogie qui se fait à l'école ? Oui, oui, je pense qu'on est complètement dans cet axe-là. Après, je sais pas si en classe, on a la possibilité de faire ça. Parce que ce qui est clair, c'est que quand on laisse chercher les enfants, ça prend du temps. Et donc, voilà, il y a un facteur temps qui est important. Et à l'école, même si on leur donne du matériel et des propositions d'activité, mais qu'on laisse pas aux professeurs suffisamment de temps pour faire ça avec leurs élèves, en fait, les élèves cherchent pas vraiment. Ça consiste en quoi, ce plumier-là ? Alors, ce plumier consiste à tourner des manches pour arriver à une... trouver la bonne configuration. Oui, une bonne configuration. Ça paraît simple, hein. Ça paraît vraiment simple, mais... Non, mais je vois bien que ça a l'air compliqué. Alors, attention, t'as pas le droit de les tourner quand ils sont à l'extérieur. Hein. Ah. Ça, c'est pas permis dans les règles. D'accord. En fait, la condition pour pouvoir tourner on peut appeler ça un interrupteur, ouais. Ou pour pouvoir tourner une pièce, c'est que celle qui est juste à sa droite soit debout, ouais. Et que toutes les autres, plus à droite, sont couchées. D'accord ? Donc en fait, si on résume, il n'y a que deux plots qu'on peut tourner. Et toi, en général, les mathématiques, c'est une matière qui te plaît ou... C'est une matière qui me plaît, oui, hein. C'est une des matières où je suis le meilleur et ça frustre un peu quand on a beaucoup d'ego de voir qu'on n'arrive pas des petits casse-têtes comme ça. Mais tu vas y arriver. Quels sont les plots que vous pourrez tourner là, à partir de maintenant ? Est-ce que tu aimerais que ce genre de raisonnement, tu puisses le faire plus à l'école, plutôt que de faire des exercices basiques, de démonstration ? Je pense que les deux peuvent être nécessaires, mais peut-être vraiment faire les deux, expliquer aussi pourquoi et comment ces casse-têtes sont résolvables et doivent être résolus, et quel est le raisonnement pour qu'on les résolve. De manière plus générale, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des enfants qui sont un peu réfractaires à venir ici et qui changent leur regard sur les mathématiques à l'école, pour le coup ? C'est très rigolo parce que ça marche dans les deux sens, en fait. C'est-à-dire que parfois, on a des enfants qui sont un peu amenés par leurs parents. Et les parents ont dans l'idée de les réconcilier un peu avec les maths. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est majoritairement le contraire. C'est-à-dire des enfants qui amènent leurs parents. Les parents viennent pour faire plaisir à leurs enfants et au final, ils finissent par se prendre au jeu et par s'y mettre et par aider leurs enfants, etc. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que il y a des grosses différences entre ce qu'on fait ici et ce qui peut se faire à l'école. Parce que ici, c'est, on essaie de se rapprocher le plus possible de la vraie recherche en mathématiques. Je vais vous donner un exemple. À l'école, souvent, quand on pose un exercice, on dit « montrer que ». Et rien que cette expression-là, elle signifie quelque chose de bien particulier, c'est « voici le problème, voici la solution du problème, et on vous demande de vérifier que c'est bien la solution du problème qu'on vous a posé. Ce qui, en termes de motivation, est quand même relativement réduit. C'est l'effort de démonstration qui est au socle de toutes les mathématiques, géométrie. Alors, effectivement, c'est important de vérifier qu'une solution est bien celle du problème qu'on pose. Mais c'est aussi intéressant d'explorer soi-même un problème et d'essayer de trouver la solution avant de démontrer que c'est bien la bonne. Et c'est ce qu'on essaye de faire ici, c'est-à-dire qu'avec mes collègues, on s'empêche strictement de donner les réponses au jeu parce que on veut plutôt les aider à les trouver par eux-mêmes. Et donc, quand ils sont face à un jeu, on leur dit pas « montrez que, il faut vérifier ça ou ça ». On les laisse faire et on les aide à explorer le jeu. Et cette partie-là, je trouve qu'elle n'est pas assez développée à l'école. Voilà le reportage. Donc, du coup, au Palais des Découvertes, Roger, vous vouliez justement nous signaler quelque chose, puisque ce sont les derniers mois, les dernières semaines du Palais de la Découverte avant la fermeture pour travaux. Alors, c'est les derniers mois du Palais de la Découverte dans sa forme actuelle. On espère quand même qu'il renaîtra et que le palais temporaire sera intéressant aussi. Le dernier week-end d'août, c'est-à-dire le 29 et 30 août, le Palais de la Découverte sera en accès libre et on va faire avec tous les gens de bonne volonté et tous les gens qui aiment les maths un marathon de mathématiques dans la salle Pi et peut-être beaucoup d'autres activités dans le hall. Il y aura un peu de surprise, mais il y aura des choses qui seront mathématiques, accessibles à tous et très riches. Et évidemment, on en reparlera, ce sera à la rentrée prochaine, ça va tomber pile. Il n'est pas impossible qu'on aille faire un petit tour aussi avec la méthode scientifique. Bref, revenons à nos moutons numériques. Un mot peut-être, sans revenir sur le palais de découverte, Michael Launay, parce que, donc évidemment, vous, votre credo, c'est la vulgarisation, notamment la vulgarisation ludique, vraiment sur vos vidéos YouTube. Également, ce qui est intéressant dans le livre que vous venez de publier, Le théorème du parapluie chez Flammarion, c'est que vous dites, en fait, il faut effectivement, je le résume et je vous laisserai me reprendre ou me corriger. Il faut dissocier les mathématiques telles qu'on les imagine, c'est-à-dire les mathématiques numériques, les mathématiques de formules, d'un esprit mathématique qui est en fait un regard sur le monde. Et c'est ça qui est assez passionnant. Oui, et d'ailleurs, il peut y avoir plusieurs esprits mathématiques. C'est intéressant, là, on entendait Guillaume du Palais de la Découverte qui disait que finalement, savoir ou pas résoudre ce casse-tête, ça n'avait rien à voir avec vos aptitudes mathématiques à l'école. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des très bonnes notes à l'école et puis face à ce casse-tête, eh bien, finalement, vous allez vous retrouver bloqué un certain temps. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on remarque, c'est-à-dire qu'il y a plein de façons de penser les mathématiques. Certains vont avoir des aptitudes pour la géométrie dans l'espace, pour les probabilités, pour les nombres, la géométrie. Et après, chacun peut développer ses points forts, ses points faibles, sa façon de penser les maths. Mais oui, il y a plein de façons différentes de faire des maths et de rentrer dedans. Et d'ailleurs, c'est vrai que moi, quand je vais dans des établissements scolaires, ça arrive des fois que les enseignants me préviennent à l'avance, ils me disent bon alors ces deux-là ils sont assez vifs et puis alors par contre là eux il faut faire attention à ce qu'ils suivent bien et puis des fois quand je fais les ateliers parce que je parle de quelque chose qui n'est pas scolaire et bien finalement c'est tout à fait le contraire qui se passe et donc ça montre bien que en fait chacun peut avoir sa propre façon d'entrer dans les mathématiques que ce soit par l'histoire, par les jeux, par la découverte, par la recherche. Mais alors comment est-ce que parce que en fait un certain nombre d'exemples que vous citez c'est finalement effectivement c'est juste une sorte de léger changement de paradigme, c'est-à-dire que on a tous évidemment nos biais cognitifs, etc. Mais vous dites en fait avoir cette culture mathématique, penser de manière un peu plus mathématique, c'est juste concevoir de changer un peu notre angle quelques degrés sur la façon dont on conçoit les choses. Vous pouvez nous donner quelques exemples précis? Oui, c'est ça. En fait, il faut se faire des représentations mentales. Par exemple, tout à l'heure, je vous donnais un exemple sur le fait que les multiplications, on peut les représenter dans un sens ou dans l'autre. Eh bien, on peut prendre cet exemple-là. Comment est-ce qu'on va pouvoir réfléchir à ça? C'est-à-dire qu'on peut commencer à se dire, bon, qu'est-ce que c'est 3 fois 7? C'est 7 plus 7 plus 7. On fait le calcul, on trouve 21. Puis après, on se dit 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, c'est 7 fois 3. Et ça fait aussi 21. Mais pourquoi? Ça semble un peu magique au début. C'est-à-dire que même si on ne sait pas trop à quoi ça peut servir de savoir ça au début, on se dit mais il y a quelque chose qui se passe là. On a envie de comprendre. On a cette curiosité qui arrive. Et puis après, on se dit mais comment est-ce qu'on peut penser ce problème? Quelle image on peut avoir? Et alors là, la solution qui arrive assez rapidement, en général, quand on le fait avec les élèves, c'est de représenter ça sous forme de rectangle. Vous imaginez une tablette de chocolat de 3 carreaux sur 7 carreaux. Si vous les comptez en colonnes, vous avez 7 plus 7 plus 7. Et si vous les comptez en ligne, vous avez 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. Et une fois qu'on a ça, avant même qu'on puisse vraiment appeler ça un raisonnement ou une démonstration mathématique ou quelque chose qui est formalisé, eh bien, on a cette satisfaction. C'est-à-dire qu'on a l'image mentale et on est sûr que c'est vrai. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a le même que 3 x 7 font 7 x 3 et que ça va marcher pour tous les autres nombres. C'est-à-dire qu'on peut dire que 472 x 38, ça fait 38 x 472 sans même savoir combien ça vaut. C'est-à-dire qu'on ne sait pas combien ça vaut, mais on sait que ça donne le même résultat. Et là encore, on a une sorte de satisfaction qui est d'avoir compris ce genre de choses. Et donc voilà, se créer des images mentales comme ça, qui permet de manipuler les objets mathématiques qui sont abstraits, eh bien ça, voilà, ça permet aux jeunes d'entrer dans les mathématiques, enfin aux jeunes, mais à tout le monde en fait, avec la vulgarisation. Contrairement à ce que disait l'archive tout à l'heure, hein, il n'y a pas d'accès interdit à l'être humain aux mathématiques à partir d'un certain âge, loin s'en faut. Mais ce qui est intéressant, parce que en fait c'est un peu ce que vous venez de nous décrire, c'est ce que vous venez de faire là en direct, c'est ce que vous racontez, ce fameux théorème du parapluie. Expliquez-nous un peu en quoi ça consiste ? Pourquoi vous prenez cette image-là ? Parce que je trouve que ça, c'est très très opératif en fait. C'est l'idée du changement de point de vue. C'est l'idée qu'on a un problème un peu compliqué, quelque chose qu'on n'arrive pas forcément à faire, et puis d'un seul coup, en le regardant différemment, eh bien, on va pouvoir avancer mieux et on va pouvoir trouver le déclic qui fait que d'un seul coup ça devient évident. Alors pourquoi je prends cette image du parapluie ? Parce que le parapluie il symbolise ce changement de point de vue, c'est-à-dire si vous voulez marcher d'un endroit à un autre et qu'il pleut, si vous le faites sans parapluie vous allez être mouillé, alors que si vous avez un parapluie, ben vous commencez, en fait c'est un processus en trois étapes, c'est vous ouvrez votre parapluie, puis vous marchez avec le parapluie au-dessus de la tête, puis vous fermez votre parapluie, et donc d'une certaine manière l'ouverture et la fermeture du parapluie, c'est deux opérations qui sont inverses l'une de l'autre, qui s'annulent, mais le fait de l'avoir fait l'une avant et l'autre après, eh bien ça a fait qu'on a pu faire ce travail ce trajet dans de bonnes conditions. Et d'une certaine manière, on peut dire que modéliser le monde par les mathématiques, c'est une forme de parapluie pour les sciences et pour la compréhension du monde. C'est-à-dire qu'on a un problème qui est très compliqué. Je ne sais pas, on fait de l'astronomie, on a des planètes qui sont composées d'un nombre faramineux de particules qui vont dans tous les sens. On ne sait pas vraiment comment ça marche. Et puis à un moment donné, on va se dire, bon, on va simplifier les choses, on va faire un modèle, on va considérer que les planètes, c'est des points, on va considérer qu'elles ont une masse donnée, etc. On va modéliser ça. Et puis, on va faire des calculs. Là, on rentre dans le monde abstrait des mathématiques. On n'est plus vraiment sur le réel, mais sur une idéalisation du réel. Et puis, une fois qu'on a fait nos calculs, eh bien, on peut le réinterpréter. On peut, par exemple, avoir prédit que tel jour à telle heure, il y aura une éclipse. Et puis donc on réinterprète en termes de mots réels. Et puis après, on regarde si c'est vrai. On attend le jour et l'heure dite. Et puis si l'éclipse a lieu, eh bien c'est que notre modèle est plutôt bon. Puis si l'éclipse n'a pas lieu, il faut revoir le modèle. Ça veut dire qu'on n'a pas choisi le bon parapluie. On a un parapluie troué. Mais voilà. Et donc si on a un modèle mathématique et quand on rentre dedans et quand on fait notre trajet de recherche avec ce modèle mathématique, eh bien systématiquement on n'arrive pas mouillé. C'est-à-dire que le réel confirme ce que notre modèle a trouvé. Eh bien ça veut dire qu'on a un bon modèle. Roger Mansuy, aujourd'hui, parce qu'il y a donc l'enseignement, la vulgarisation, ça marche de mieux en mieux, c'est-à-dire que c'est un complément à l'enseignement via la chaîne YouTube de Michael Launay, mais on sait qu'il y a une appétence pour d'autres formes de savoir ou d'acquisition de savoir. Il peut y avoir la radio, par exemple, on sait à quel point c'est difficile de vulgariser les mathématiques à la radio, je peux vous en parler. Mais justement, comment est-ce que vous concevez justement cette articulation, comment vous la concevez entre l'enseignement nécessaire et finalement une autre approche? Est-ce que finalement, cette approche ludique que décrit Michael Launay, c'est pas quelque chose qui peut être à côté de l'enseignement ou quelque chose de complémentaire? Est-ce qu'au contraire, il faudrait que l'enseignement s'en inspire? Quel est votre sentiment? Alors, c'est tout à fait complémentaire et c'est pas complètement disjoint de l'enseignement. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure des difficultés techniques, en fait, à enseigner, parce que les mathématiques peuvent être arides, parce qu'elles peuvent être techniques, mais il y a une autre difficulté, c'est que on a un peu désenchanté les mathématiques et que cette vulgarisation, c'est justement le moyen de la réenchanter, c'est-à-dire de retrouver quelque chose qui est intéressant. Yvan, tout à l'heure, parlait de la philosophie des sciences, de l'histoire, qui était une porte d'entrée assez forte. Les enseignants peuvent l'utiliser dans leurs cours. Je dois avouer que je n'ai aucun problème à utiliser des moments diffusion, des moments histoire des sciences, quand je fais cours, même avec des étudiants du supérieur. J'ai pas de problème à utiliser des vidéos. Alors, j'ai jamais utilisé vraiment de vidéos de Michael directement dans mes cours, mais des vidéos qu'on peut trouver sur Internet, comme j'ai utilisé le film Chaos, qui est un film de diffusion plutôt pour des étudiants fin de secondaire supérieur, on peut tout à fait utiliser dans le supérieur. Ça a un intérêt, c'est que ça redonne du sens, et du sens d'une manière un peu différente. Simplement, le prof la raconte, le prof qui est une figure d'autorité, qui est au tableau, etc. On apporte un nouveau sens, on apporte un nouveau souffle à quelque chose qui va porter en fait le cours, qui va porter les enseignements, qui va porter les compétences qu'on cherche à faire acquérir. Donc on peut utiliser ceci. Et je dirais même plus, on doit les utiliser parce que c'est un moyen de rendre plus vivant ce qu'on a envie de faire passer, de donner du sens aux élèves. On est vraiment en train d'enrichir le tout. Ivan Kiryov. Oui, puis peut-être que une des clés pour faire aimer les mathématiques, c'est aussi de faire aimer et découvrir les mathématiciens. Parce qu'on a un peu l'impression des fois que c'est une discipline désincarnée et que il y a des exemples qui peuvent inspirer des jeunes. Par exemple, qui vous avez en tête, les mathématiciens ou les mathématiciennes, bien entendu. Oui. Même si nous sommes majoritairement masculins autour de cette table, d'ailleurs, c'est peut-être une question, la place des femmes dans les mathématiques. Oui, c'est une grosse question, mais par exemple, pour mettre en avant le côté révolutionnaire des maths que rappelait Roger, donc plus les maths dociles, mais les maths révolutionnaires. Les maths rebelles, c'est la rébellion. Les maths rebelles, qui employé, Roger, on pourrait parler de Mandelbrot. Benoît Mandelbrot. Un mathématicien atypique, iconoclaste, qui a ouvert tout un pan de la recherche. La fameuse théorie du chaos des fractales que vous évoquiez tout à l'heure. Voilà, l'image de quelqu'un comme Cédric Villani aujourd'hui qui a une visibilité médiatique, c'est aussi une bonne chose, ça permet de mettre un visage sur les mathématiques. Je m'en suis. Ça a l'avantage aussi, si on parle de mathématiciens contemporains, qu'on n'a pas simplement des mathématiques de livres d'histoire. C'est-à-dire qu'il y a aussi aujourd'hui des humains qui font des mathématiques, qui expliquent des mathématiques. Et honnêtement, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont des vrais gens avec leurs préoccupations du quotidien, qui font des mathématiques. J'avoue qu'à chaque fois que je vais à une conférence ou à quelque chose de diffusion, où j'ai des mathématiciens prestigieux, etc. J'ai récemment repensé à une conférence d'Isabelle Gallagher qui était fantastique. Isabelle Gallagher, c'est quelqu'un qui a une vraie vie, qui existe, etc., mais qui en même temps a des résultats prestigieux, des reconnaissances. Ça fait plaisir de savoir que c'est pas simplement quelqu'un qui est mort il y a 200 ans et qui a trois anecdotes dans un livre d'histoire. On a une vraie vie autour. Ça fournit un peu quelque chose d'intéressant et ça permet en plus de lutter contre un certain nombre de biais parce que on renforce aujourd'hui, évidemment on n'est que des hommes autour de la table, on renforce un peu le biais qui est ici, mais ça permet de montrer, si on regarde la composition de la communauté mathématique aujourd'hui, même si elle a des travers, etc., qu'elle est diverse, qu'elle est plurielle, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent de différents pays, il y a des gens qui sont de différents genres, différentes orientations, différentes visions politiques. On a une communauté qui est très riche, et les mathématiques, c'est pas simplement une case dans la communauté, c'est l'ensemble de la communauté. Un dernier mot pour conclure, alors un mot très très pragmatique. Aujourd'hui, j'ai à la maison un ou plusieurs enfants qui sont justement dans l'allergie, l'aversion totale, qui sont en guerre ouverte contre les maths. Qu'est-ce que je fais, Michael Lenay? Je pense qu'il faut pas essayer de les forcer à tout prix dans la mesure du possible. Les maths, c'est quelque chose, comme beaucoup de disciplines, déjà, ça peut venir à différents âges. Il faut, alors évidemment, ils sont obligés d'avoir des maths à l'école. C'est un peu la contrainte de base. Mais après, voilà, c'est pas parce qu'on est un peu allergique aux maths à un moment donné que ce sera définitif. Pas mettre de pression déjà, pas mettre de pression et juste dire que les maths, ça peut être beau, montrer des exemples, dire. Moi, il y a eu des disciplines pendant très longtemps. Quand j'étais jeune, je comprenais pas pourquoi en littérature on devait lire des choses très très compliquées. J'aimais pas ça. Et puis c'est venu plus tard. Eh bien, c'est pareil pour les maths. Si ça vient plus tard, c'est pas grave. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci Michael Lenay. Une solution, c'est de regarder vos vidéos sur votre chaîne YouTube Micmath, mais aussi pourquoi pas de vous lire le théorème du parapluie chez Flammarion, également le grand roman des maths que j'ai ici en collection poche chez J'ai lu. Merci Ivan Kiryov. Dans le secret des mathématiques, c'est chez Larousse. Merci aussi Roger Mansuit, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, à Vétienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette-Saint-Vulf, Francine Lezen, Natacha Triou, Alexandra Delbo, Olivier Bétard, à la réalisation, Jacques Azubert à la technique. Demain, on prend le contre-pied exact de cette émission, ce sera un vendredi SF, et on mettra les femmes au pouvoir un peu, parce que oui, on a souvent taxé la SF d'être un genre comme les mathématiques, masque for masque, écrit par des hommes pour des hommes. Elle est révolue cette époque, grand bien nous en fasse, la preuve demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.